Salut. Juste à vérifier le gain. Fort le gain. Un peu fort là, je suis un peu fort. Master. Non, c'est là le master. Ben voilà, il y a juste à sauvegarder.